35 heures et 16 minutes. Pardon, 17 minutes. C'est le temps que vous consacrez en moyenne chaque année à faire vos courses. Ah chérie, on a oublié de peser les pêches. Tu peux y aller ? Et si le moment était venu de consacrer du temps aussi à votre épargne ? À la Caisse d'épargne, nous vous proposons le parcours épargne personnalisé, très utile pour vérifier si vos placements sont toujours en phase avec vos projets. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, la nuit, tous les hackers sont gris. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Baptiste Guiton. La fiction d'aujourd'hui pose une question actuelle et très sensible, la question du cyberpiratage, du détournement des données informatiques, du vol d'une partie de nos vies, de l'espionnage numérique, en un mot, du hacking. Mais quelle guerre nous ont déclaré ces pirates informatiques ? À qui obéissent-ils ? À quelle puissance ? Pour quel projet financier, militaire ou de vol et de chantage ? Qui sont ces nouveaux espions du cybermonde qui ont remplacé les barbouzes légendaires en imperméables et chapeaux de feutre, tentant de passer le Glenick Bridge, le pont des espions, à Berlin, ou Ian Fleming et son James Bond, ou encore ceux qui se sont inscrits dans l'histoire comme Matahari ou les époux Rosenberg ? Les hackers sont jeunes, programmateurs, rusés, hélas, brillants, qui cherchent à manipuler ou modifier un système ou un réseau informatique. Certains d'entre eux ne s'arrêtent pas là et veulent s'emparer de vos données sensibles bancaires, vos photos ou vidéos personnelles. Deux sociologues anglais ont tenté de cerner les principales caractéristiques communes à ces pirates d'un nouveau monde. Pour la plupart, ce sont de jeunes hommes, évidemment très familiers de la technologie électronique, capables de pénétrer dans des systèmes sophistiqués, une génération qui a vécu avec les ordinateurs virtuellement depuis le berceau. Alors, comment lutter contre cette cybercriminalité ? Comment procéder pour protéger les individus, les entreprises ou les services les plus sensibles du pays ? Qui sont ceux qui vont lutter contre ces pirates ? Existe-t-il des hackers éthiques ? Pour répondre à toutes ces questions, après la fiction, nous recevrons Claire Tesson, journaliste et réalisatrice, auteur de nombreuses enquêtes pour la télé. Elle termine un film, en ce moment, de 90 minutes, sur la cyberguerre pour l'émission Cellule de crise sur France 2. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Tous les hackers sont gris. De Vincent Hazard. Réalisation, Baptiste Guiton. Open Flyer est le premier réacteur à propulsion électrique. Il sera opérationnel sur toute une gamme d'avions civils et militaires d'ici à 2 ans. Open Flyer n'a pas de carénage, ses hélices sont contre-rotatives. En fonction de la taille de l'avion, il faut en disposer 2 jusqu'à 6 sur chaque aile. Voilà, je pense que nous sommes prêts pour le test. Veuillez bien rester derrière les barrières. Le meilleur moment, c'est quand tu lances l'attaque. Parce que quand tu lances l'attaque, tu sais que tu as déjà gagné. Tu imagines la tête de ces gens pleins de certitude quand tout commence à leur échapper. Tu les imagines en train de courir dans tous les sens. Et puis vient le moment du petit message. Bonjour, nous avons bloqué et chiffré toutes vos données. Nous seuls pouvons les déchiffrer. Si vous voulez retrouver vos données, il va falloir... comment vous dites en français ? Ah, passer à la caisse. C'est un travail d'orfèvre. Une opération comme ça ne se monte pas en 2 jours. C'est incompréhensible. Monsieur le directeur général, c'est pourtant simple. Il y a eu une intrusion dans vos systèmes informatiques. Et ils ont déclenché un logiciel malveillant, un malware, au bon moment. Devant le ministre, c'est une catastrophe. Vous avez relevé des intrusions dans votre système ? Non ! Rien ! On est très sécurisé. On a toujours appliqué toutes les recommandations du gouvernement. On est même allé plus loin. Le système surveille même tout ce qui entre et ce qui sort de notre réseau. Les mails sont contrôlés. On travaille tout en interne. On a supprimé tout usage de périphériques externes. On ne peut plus brancher un disque dur ou une clé USB sur nos machines sans qu'on soit averti. Ils ont dû avoir des complicités. Bon, on va commencer par analyser le malware qui a chiffré vos données et voir ce qu'il va nous apprendre. On va aussi regarder dans le réseau si les pirates ont laissé des traces. Nous, tout ce qu'on veut maintenant, c'est récupérer nos données. On va payer la rançon. Ah non, non, non, non, surtout pas. Tant qu'on ne sait pas quelles sont leurs réelles motivations, il faut gagner du temps. Vous avez une idée d'où l'attaque pourrait venir? Je connais pas vraiment de pirates qui savent faire ça. Non, je voulais parler de gens qui auraient un intérêt à vous créer des problèmes. Retarder l'arrivée du prototype sur le marché, par exemple. Mais, peut-être les Américains. On est en concurrence très sérieusement avec des filiales de Boeing. Et pour tous nos big data, nous avons un contrat avec un gros laboratoire américain. On savait qu'on s'exposait, qu'ils pourraient éventuellement communiquer certaines informations à leur gouvernement dans l'intérêt de Boeing. Mais on n'avait pas le choix. Il n'existe aucune société française qui ait le niveau pour faire ce genre de travail. Vous n'êtes pas les seuls à devoir faire ça. Nos services sont au courant du problème. Le ministre s'est entretenu avec les homologues américains. Ils ont promis de ne rien tenter par ce biais. Une sorte de modus vivendi entre alliés de l'OTAN. Mais on surveille étroitement ces sociétés de toute façon. Si vous avez suivi les protocoles, il y a peu de chances qu'ils aient pu accéder à vos données sensibles. Il y a évidemment les Chinois aussi. Mais eux, ce n'est pas pareil. Ah bah, ils espionnent. L'un n'empêche pas l'autre. La demande de rançon est peut-être un leurre. Alors ça peut être eux. Ils rattrapent leur retard et sortent leurs propres avions maintenant. Avec eux, c'est autre chose. On ne travaille pas en direct, mais on a une antenne à Pékin. Mais là aussi, on a tout sécurisé et on travaille qu'avec du personnel français expatrié. On se méfie beaucoup des Chinois. Je vois. Et après, c'est peut-être les Allemands, tant qu'on y est. On a des partenariats avec eux. Ils viennent de temps en temps dans nos locaux. En fait, tout le monde est intéressé par notre réacteur électrique. On a 5 ans d'avance sur tout le monde. Et figurez-vous que... Les gens s'imaginent que notre motivation n'est que l'argent. Ils se trompent. Bien sûr que ça compte. Ça compte pas mal, mais ça n'est pas tout. Je suis riche en bitcoins, la monnaie virtuelle. Un bitcoin vaut 10 000 dollars et maintenant j'en ai des centaines. Mais moi, et tous ceux qui font la même chose que moi, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de trouver l'argent, c'est de trouver la faille. Trouver la faille qui va nous faire rentrer dans le système. S'amuser un peu avec les responsables de la sécurité, la police... Les gouvernements. Jouer aux gendarmes et aux voleurs. En vrai, mais sur ordinateur. Henri ? Oui ? Je crois que j'ai un truc. Le honeypot a fonctionné ? J'ai le pseudo d'un des gars. On peut se voir ? Maintenant ? Si vous voulez. On est après toutes ces missions. Mais vous auriez pu choisir un café sur Paris, ça aurait été tout aussi sécurisé. Bah oui, mais pour moi c'est plus pratique. J'habite à côté. Ah, vous habitez dans cette banlieue ? Bah ouais. Mais je vous donnerai pas l'adresse. Oui, bien sûr. C'est juste que... Vu vos compétences, votre niveau dans ce que vous faites, j'imaginais que vous habiteriez dans un endroit un peu plus... Moi je m'en fous. J'aime bien, et ça craint pas tant que ça. Et puis c'est là où j'ai grandi. En tout cas, c'est l'occasion de vous féliciter en direct. Le gouvernement apprécie énormément ce que vous avez déjà fait pour nous et ce que vous faites en ce moment. Sachez que si on peut vous aider à l'avenir pour quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à me demander. Ouais, on verra, c'est gentil. Je vous montre ? Avec plaisir. Voilà. Ils sont bien revenus dans le réseau de Saphir. Et en recroisant les données que vous m'avez transmises sur le malware, avec les quelques traces IP et autres, j'ai trouvé un pseudo. Black Bear. Impressionnant. Une opération security fail de première main. Ouais. Sûrement une des petites mains du groupe qui a laissé traîner ses métadonnées. Et je pense pas que ce soit Black Bear lui-même qui ait fait une erreur aussi grossière, en fait. Les aléas de la sous-traitance. Ils percent le système et ensuite sous-traitent le reste à leurs apprentis. Là, ce sont ses comptes PayPal que j'ai réussi à identifier. Et en faisant une recherche sur le dark web, j'ai vu qui c'était. Un russe qui habite en banlieue de Moscou. Je suis tombée sur ses documents. Là, son adresse. Oups. Un ami qui parle russe m'a aidé. Et on est allé se balader sur les bases de données officielles. Et ce matin... Bingo. Alexei Vassilievitch Korsakov. Ouais, il a une bonne tête de russe, hein. Ouais, il ressemble un peu à Nourieff. Qui ça? Rodolphe Nourieff. Là, c'est un vieux danseur russe. Connais pas. C'est pas grave. Bon, merci. Merci beaucoup, Julie. Vous, à l'ouest, vous ne savez pas ce que c'est de grandir dans la Russie de Boris Yeltsin. Mon père était ingénieur, fonctionnaire. Il avait fait 10 ans d'études pour gagner à la fin autant qu'un balayeur. J'étais petit et j'avais déjà honte de mes parents, de notre appartement vieux et sale. Alors j'étais toujours sur l'ordinateur. Et quand j'ai pu, j'ai piraté pour la première fois la connexion Internet de la maison. Ça coûtait 10 roubles de l'heure et mon père gagnait 1000 roubles par mois. Ça n'était pas juste. Et j'ai réparé l'injustice. On a pu faire de l'Internet sans payer. Quand la police est venue, j'ai promis de ne pas recommencer. Mais bien sûr, j'ai recommencé. C'était trop facile, avec des hacks de plus en plus durs, avec des numéros de carte bleue. J'achetais des noms de domaines Internet qui ressemblaient à des vrais, comme Amazon, au lieu d'Amazon. Je copiais le site original, les gens achetaient sur mon site, ils ne recevaient jamais ce qu'ils avaient commandé. Mais moi, je récupérais leur numéro de carte bleue et je dépensais avant qu'ils ne s'en rendent compte. J'avais 16 ans. C'était normal pour moi. On n'a pas d'argent ici. Moi, je volais les numéros de carte bleue des Américains. Ils sont riches, les Américains. Aujourd'hui, je continue. Je prends aux riches et je donne aux pauvres. Je suis comme Robin des Bois, mais pour moi-même. Des Russes? Oui, on en a identifié un. Mais je croyais que c'était impossible de retrouver l'identité de pirate. Ah, vous savez, les hackers font aussi des erreurs. Même les Russes. Et nous avons en France de très bons éléments qui leur font la chasse. Vous avez récupéré nos données? Malheureusement, non. On va essayer d'interpeller le hacker russe, mais leur police n'est en général pas très coopérative, si vous voyez ce que je veux dire. À moins d'un gros coup de chance, je pense pas qu'on puisse récupérer vos données. Bah, tant pis, on va payer. Mais ça ne changera rien, ils ne vous les rendront pas. Bah, je comprends pas la logique. S'ils ne rendent pas les données quand on paye la rançon, ça va finir par se savoir, et plus personne ne va payer. Avec les Russes, la rançon n'est qu'une couverture. Il y a de fortes chances que ces gars travaillent en fait pour le Kremlin. Vous êtes classé opérateur d'importance vitale pour la France. Poutine veut montrer son pouvoir de nuisance. C'est tout. Il joue un jeu qui nous dépasse, tous les deux. Vous, les Européens, vous avez tellement peur de Poutine. Poutine, Poutine. Vous le prenez pour un démon. Certains, chez vous, le prennent aussi pour un dieu. Tout le monde a une opinion sur lui. Moi, Poutine, je m'en fous. Je sais bien qu'il ne changera rien dans ma vie. Il a tout compris, il fait son business tranquille. C'est l'homme le plus riche de Russie. Moi aussi, je veux qu'on me laisse faire mon business tranquille. Mais tout ça ne nous dit pas comment ils sont entrés dans notre système et si ça peut se reproduire. C'est difficile à dire. Mais vous servez à quoi, en fait, hein? Vous êtes toujours incapable de me fournir la moindre réponse. Ce sont des problèmes complexes. Je vais rappeler le ministre pour qu'on m'envoie quelqu'un qui pourra me donner des réponses. Ne le prenez pas comme ça, un autre vous dira la même chose. Je peux déjà vous dire qu'ils sont entrés le plus simplement du monde. Ils avaient des identifiants avec mot de passe de la société. Ils ont dû faire du phishing et quelqu'un de la société a rentré ses codes sur un de leurs portails. Oh, mais je mets un fric de dingue dans la cybersécurité. Le staff est hyper formé. Le phishing, c'est le truc le plus con. Ah oui, mais quand on fait des tests dans les sociétés, on se rend compte qu'il y a toujours des gens qui cliquent sur des liens dangereux. Mais franchement, j'y crois pas. On aurait repéré quelque chose. J'aurais vu quelque chose s'ils avaient arrosé de mails les collaborateurs. Non. Entre nous, je vous promets que je serai discret. Est-ce qu'il n'y aurait pas un... Je sais pas comment vous appelez ça dans votre jargon. Une taupe? À ce stade, on n'en sait rien. Mais tout est possible. Alexei Korsakov. Oui? On va vous prier de bien vouloir nous suivre, s'il vous plaît. J'aurais dû me méfier de cette invitation à Berlin. Je suis expert en cybersécurité et je suis connu dans le milieu, alors on m'invite pour des conférences sous mon vrai nom. La journée, je suis un white hat, un chapeau blanc qui aide les entreprises à se protéger. Le soir, je suis un black hat, un chapeau noir qui s'occupe de ses propres affaires. Pas toujours légal. J'aurais dû deviner le piège. Je n'avais jamais été invité à cette convention avant. Je ne connaissais pas les organisateurs. Mais je ne pensais pas que je prendrais un risque en allant à Berlin. Je suppose que l'Europe ne marche pas si mal, finalement. Tenez, voilà votre sandwich. Alors, ça a été le voyage ? Bon, désolé du traitement, mais les agents de terrain exfiltrent de la même manière les terroristes et les gens comme nous. Bienvenue à Paris, en tout cas. Je comprends pourquoi on dit que les Français accueillent mal les touristes. Ah, c'est pas très gentil ça, Alexei. Ou devrais-je dire Black Bear ? Écoutez, je vais pas perdre de temps. Appelez-moi Henri, ça sera plus simple. Je représente le gouvernement français. On sait que vous avez participé à l'infiltration et rançonnage de Saphir Aéronautique. Vous vous doutez bien que si on a remonté à votre vraie identité et qu'on vous a fait venir ici, c'est qu'on a un dossier solide. Alors, je sais pas si vous êtes au fait des procédures en France, mais on a deux solutions. Soit on fait ça dans les règles, on attend votre avocat, on enregistre tout ce qu'on dit, on transmet au parquet avec 10 bonnes années de prison à la clé. Ou alors on discute et on voit si on peut trouver un accord. Qui a trouvé ? Pardon ? Qui a trouvé mon identité ? Quelqu'un. Ça doit être un bon. Ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je veux que vous coopériez. Dans un premier temps, pour savoir s'il y a toujours moyen de récupérer les données de Saphir. Oui, elles n'ont pas encore été effacées. Parfait, on avance. Comment peut-on faire pour récupérer la clé de chiffrement ? Je n'ai pas dit que j'allais vous aider. Allez, Alexei, vous n'êtes pas un espion. Vous avez été recruté pour cette opération justement parce que vous n'avez pas de lien officiel avec le gouvernement russe. Comme ça, ils ne sont pas impliqués. Mais vous vous doutez bien que s'ils apprennent que vous êtes arrêté, ils vous laisseront tomber. Je sais. Mais le FSB n'aime pas les traîtres à la Russie. Évidemment, on ne te laisserait pas tomber, nous. Je veux un nouveau passeport. Bien sûr. On peut aussi te donner une somme pour redémarrer dans la vie, quelque part. Si on est rapide, on pourra même peut-être récupérer certaines de tes affaires chez toi en Russie et te les amener. Qu'en dis-tu ? Je suis d'accord. Mais il y a une autre condition. Ouais, voilà, vous ne craignez rien, il peut pas vous voir. Ouais, je sais ce que c'est qu'une glace sans teint. Pardon. Je me disais que ça vous intéresserait de le voir en vrai. Vous avez contribué à son arrestation. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Bon, pas grand-chose de méchant, mais il pourra pas repartir en Russie. Il va changer d'identité. Ouais. Non, désolé, ça m'amuse parce que vous allez penser à tort que je vis un petit peu comme un espion dans un roman de John le Carré. Qui ça ? Non, rien. Vous savez, Julie, vous et moi, on sommes très différents. Vous aurez compris que cette invitation montre que je vous fais totalement confiance. Je vois ça. Merci. Alors, ce que je vais vous demander est un peu délicat. Vous dites toujours ? Il est OK pour coopérer, mais il veut vous rencontrer. Je sais que c'est dangereux et que c'est une énorme faveur que je vous demande, mais je vous assure qu'on prendra vraiment toutes les précautions. C'est d'accord. Une femme ? Ça part bien ? Bon, Alexei, au moindre problème, j'arrête. Ne le prends pas mal, c'est rare. Je suis heureux de te rencontrer. Bravo. Merci. Il faut m'excuser, je suis curieux. On est tous curieux pour faire ce qu'on fait, non ? Sûrement. Je voudrais juste savoir comment tu m'as trouvé. On a posé quelques pièges, des honeypots, et puis t'es tombé dedans. Ça n'est pas suffisant pour trouver mon identité. Je ne te dirai pas. On a sûrement beaucoup de choses en commun. Quel est ton pseudo ? Bon, Alexei, voilà, t'as eu ce que tu voulais, maintenant on va couper court. On pourrait devenir amis. Tu connais mon pseudo, je vais le garder le temps de régler des choses. Contacte-moi. Mais toi et moi, on est trop différents. Je crois pas. Je te regarde. Je vois qu'on est pareil. On aime ce qu'on fait. Moi, je travaille pour moi. Toi aussi, tu pourrais travailler pour toi. Et avec moi. Et t'as du cran, hein. T'es en train d'essayer de la recruter devant moi. Je paye mieux que vous, hein. C'est vrai que dans ce domaine, un gouvernement paiera toujours moins. Toi, tu travailles pour le tien parce que t'as peur des représailles. Je rends des services. Moi, je travaille pour mon pays. Parce que j'en ai envie. Il existe encore des idéalistes dans votre pays ? Dans le mien, ils ont tous fait leurs valises avec le départ de Gorbatchev. Merci de votre aide, je vous fais accompagner. Non, ça ira, merci. En tout cas, merci à vous. Merci de quoi ? Merci de m'avoir montré tout ça et de me faire sentir utile. Oh, c'est normal, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Mais méfiez-vous de lui. On l'a chopé sur un coup de bol énorme. Ce gars joue aux échecs et il est déjà en train de penser à son coup d'après. T'inquiète pas, on le surveille, le Kasparov 2.0. Kasparov ? Bah lui, je le connais. Le russe devrait pouvoir vous débloquer vos données. Et vous êtes sûr qu'il ne nous mène pas en bateau ? Alors, on a fait le test avec une petite partie des données chiffrées que vous nous avez envoyées. Ça a marché. C'est sans risque, alors ? Ah, rien n'est sans risque. Notre gars n'était qu'un rouage dans l'opération. Il ne maîtrise pas tout, mais c'est notre seule chance de récupérer vos données. D'accord. Il va nous donner une clé USB. Bon, rassurez-vous, on vérifiera avant qu'elle ne contient rien de dangereux. Vous pouvez nous le garantir à 100%? Ah ben non, je ne peux pas garantir à 100% que la clé ne déclenchera pas quelque chose sur votre réseau. Mais c'est notre seule chance de récupérer vos données. Bon, le disque est branché, vous pouvez y aller. C'est bon ? Je suis dedans, merci. Alexei, je te rappelle qu'on te surveille. La moindre incartade et on te débranche. Vous êtes tellement méfiant. Je vous ai donné ma parole. Ça va être rapide. Regardez. Je lance le logiciel. Je rentre la destination. Et voilà. C'est lancé. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Parfait. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. En attendant, j'aimerais bien que tu nous expliques comment vous êtes entré dans le système. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à une opération que j'ai menée contre une banque en Ukraine. Vous savez comment on est entré dans le système ? Une femme de ménage à qui on a donné 500 euros pour brancher une clé USB sur un serveur de la société d'informatique où elle faisait le ménage. Avec juste ça, le virus avait infecté 300 ordinateurs de la banque, en Ukraine et ailleurs. À l'époque, en 2017, le coût de la clé USB, ça marchait super. Maintenant, dans les entreprises, c'est plus possible de brancher quelque chose. Mais être hacker, c'est savoir être créatif. Vous avez déjà vu les serruriers qui ouvrent des portes en 2 minutes ? Quelle que soit la nouvelle technologie de blindage, 5 points, électronique, on arrive toujours à ouvrir la porte. Pour nous, c'est pareil. Il y a toujours un moyen de rentrer. Les ingénieurs, les chefs sont des gens pressés qui travaillent toujours et partout. Ils ont besoin d'Internet, même dans le train. Et si quelqu'un a fait un faux portail Wi-Fi du train, l'ingénieur, il ne le voit pas. Il est trop pressé, trop malin, trop sûr de lui. Alors, il se branche chez nous. Pendant qu'il se connecte, on récupère son mot de passe. Exactement comme les clients de mon site Amazon il y a 10 ans. Allô ? Oui, c'est Flocard. J'arrive à 10h17. Il y aura quelqu'un pour venir me chercher. Parfait. Bon, sinon, j'ai vu les chiffres, c'est pas mal. Mais on en parlera de vive voix. À tout à l'heure. Plus besoin de femmes de ménage pour rentrer dans vos réseaux. On passe directement par le top. Le Big Boss. Vous plaisantez ? Dans le Paris-Rennes du 22 novembre. Un faux portail Wi-Fi et ils ont tout récupéré sur votre ordinateur. Mais je sais pas, il faudrait que je regarde mon agenda. Un Russe était assis derrière ou à côté de vous et c'est son ordinateur qui a servi de relais entre vous et Internet. Et il a récupéré toutes vos données. Oh mon Dieu ! Les identifiants et les mots de passe que les Russes ont utilisés, c'était les vôtres, monsieur Flocard. Mais je sais pas quoi dire. Vous n'auriez jamais dû utiliser cet ordinateur dans un lieu public. Vous avez bien fait dépenser un fric de dingue dans la prévention auprès de vos employés, mais vous auriez dû prendre quelques cours vous-même. Bah, je ne vous permets pas. Ah, je suis désolé, mais je vais devoir faire un rapport. Vu la gravité de l'erreur, le ministre n'aura pas d'autre choix que de réclamer votre démission. C'est incroyable. Je suis désolé. Nouveau passeport et attestation de virement. Merci. Merci à toi. Tu nous as bien rendu service.

leave it, talk or mad it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, taste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, cue it, print it, scan it, send it, fax, rename it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, go it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. Technologic. Affaires sensibles, la fiction. Monsieur Arpagion, on a l'impression au fil des mois, des accusations, que la Russie a trouvé dans les cyberattaques un levier d'influence, qu'elle a particulièrement investi ce terrain. Alors, il faut quand même être juste, c'est-à-dire que tous les pays ont investi ce territoire. Ce territoire cyber, c'est celui qui va permettre à des États, d'ailleurs, de s'affranchir d'un certain nombre de règles du droit des conflits armés, du droit international public, parce qu'il y avait toujours ce risque quant à l'imputabilité. Comment puis-je établir que vous êtes bien l'auteur des actes d'agression ? C'est vrai que c'était un moyen de nier, d'ailleurs, dans la stratégie de la défense des États, et souvent de « n'avoue jamais », de manière à ce que, faute de pouvoir apporter la preuve matérielle, on ne puisse pas imputer la responsabilité et mettre en cause sur la scène internationale au-delà de l'incantation politique. Quand on parle de cyberattaque, de quoi parle-t-on ? On parle de tout ce qui va concerner l'information numérisée. Alors, soit pour mettre en difficulté des systèmes d'information, c'est-à-dire l'informatique qui va permettre de gérer des équipements industriels, des équipements militaires, des systèmes bancaires ou des systèmes de traitement des eaux, mais également le fait d'accéder à de l'information. Et effectivement, on va avoir l'avantage d'essayer de récupérer une information qui a vocation à rester confidentielle, de manière à, en tout cas, être favorisé dans la négociation et voir, le cas échéant, essayer d'en prendre le contrôle, soit pour la rendre inaccessible à ses utilisateurs légitimes, soit éventuellement, pourquoi pas, pour la modifier de manière à changer l'ordre des choses et effectivement reprendre l'avantage. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la nuit, tous les hackers sont gris. Notre invitée Claire Tesson, journaliste et réalisatrice, elle termine un film sur la cyberguerre pour l'émission Cellule de crise sur France 2. Bonjour Claire Tesson. Bonjour Fabrice Rouel. Vous êtes journaliste et réalisatrice, vous avez travaillé et réalisé plusieurs documentaires pour des émissions comme Le Monde en Face sur France 5 et Complément d'enquête pour France 2. Vous travaillez en ce moment même pour l'émission Cellule de crise sur France 2 et vous réalisez un film de 90 minutes sur la cyberguerre. Ce film est prévu pour une diffusion en janvier, c'est bien cela ? Janvier ? Oui, début 2020. Bien, nous informerons nos auditeurs de la date de sortie. On vient d'écouter une archive de France Inter, elle remonte à octobre 2018. Ce jour-là, Nicolas Arpagian, chercheur en cyberattaque, comment on peut dire chercheur ? En cybersécurité. En cybersécurité, répondait au journaliste bien connu des auditeurs à France Inter, Bruno Duvic, concernant la Russie, soupçonnée par les Américains, les Anglais, les Canadiens, d'être fortement impliquée dans le cyberespionnage. Vrai ou faux ? À partir de ce que vous avez pu enquêter. Alors moi je peux dire que vrai, puisque c'est le point de départ de mon documentaire. Oui. On raconte comment en quelques années, en fait, la Russie est devenue un peu le cyber-ennemi mondial. Après, il faut savoir que tous les États aujourd'hui se dotent de l'arme cyber. En France, récemment, on a même créé un cyber-commandement, un commandement de la cyber-défense. Donc il y a des cyber-soldats français qui luttent tous les jours pour défendre la France contre des attaques informatiques. Et il y a aussi une doctrine en matière de lutte informatique offensive. offensive. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, on fait des cyberattaques. Ah oui, on ne tord pas la joue gauche quand on a pris une claque sur la joue droite. Quoi. En gros. On a parlé, alors, quelle est la part du vrai et du faux, je ne sais pas si vous savez, mais d'une intrusion des Russes par informatique pendant la campagne électorale, la dernière. Fantasme ou réalité? Alors, ce qu'on sait, c'est que les Américains ont chargé ces 4 cyberespions, enfin 8 cyberespions russes, qui ont été aussi retrouvés dans d'autres affaires liées à la politique internationale. Ils ont été arrêtés notamment par les services de renseignement néerlandais devant l'Organisation internationale contre la prolifération des armes chimiques en avril 2018. Ces mêmes cyberespions, ils étaient en train de tenter de mener une cyberattaque contre l'OIAC au moment où cette organisation internationale enquêtait notamment sur l'affaire Skripal, cet agent double russe tué en Angleterre. Bien, donc on déroule la plot et on trouve des choses. Voilà, et c'est un peu toujours les mêmes. Bon, alors les Russes sont-ils meilleurs que les autres ou est-ce que ça a été une politique dès le début de montrer sa force et ses muscles par le numérique? Alors, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils ont une particularité, c'est qu'aujourd'hui les Russes, ils obéissent pas vraiment à des lois. Nous en France, on a des doctrines d'engagement cyber. La particularité de la Russie en fait, c'est que le Kremlin utilise des mercenaires, des hackers mercenaires pour mener des attaques informatiques étatiques qui servent les intérêts russes, et en contrepartie, le gouvernement, le pouvoir russe laisse ses mercenaires agir librement sur le territoire depuis le territoire russe pour mener des attaques cybercriminelles pour se faire de l'argent. Oui, donc c'est une pratique mafieuse quasiment. Oui. Même complètement. Oui. Bon. Alors, j'ai le souci de l'auditeur, évidemment, je suis là pour ça, et je me dis que celle ou celui qui nous écoute a envie de savoir si son PC personnel, le vôtre, le mien, le sien... peut être évidemment l'objet d'une cyberattaque, mais enfin, est-ce que les hackers considèrent les PC individuels comme une priorité? Alors, il y a deux types de hackers. Les hackers activistes qui agissent pour le compte des États, nos PC personnels, si on n'est pas un agent secret français, les intéressent pas tellement. En revanche, on se met dans la peau d'un hacker qui est cybercriminel, donc qui veut se faire de l'argent, notre ordi personnel peut être une mine d'or pour lui. On y stocke nos données de carte bancaire, des emails avec des codes, des identifiants. Et d'ailleurs, je l'imagine que vous avez reçu des mails. Mon mail a été piraté. Il n'y a pas eu de problème apparent. C'est ça aussi qui est quand même anxiogène avec ce monde numérique. C'est parfois, les problèmes ne sont pas apparents. Non, on peut le découvrir bien après. Et J'ai peur. Non, mais c'est ça le vrai risque. En fait, c'est qu'il y a une vraie hygiène informatique à bien avoir. Sûr. Ne jamais rentrer des identifiants, des mots de passe, ses comptes sur des comptes en ligne, cliquer sur des mails dont on ne connaît pas le destinataire. C'est un peu la base de l'hygiène informatique. Alors, je reviens sur les cyberattaques à des fins étatiques, politiques, d'espionnage. Est-ce que l'univers de l'espionnage par le numérique est encore plus dur, finalement, que la bonne vieille méthode de Checkpoint Charlie à Berlin, par exemple? Et toute cette mythologie, et réalité d'ailleurs, historique, des espions classiques. En fait, l'avantage du cyberespace, c'est que ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer des hackers espionner des mails de l'armée française, par exemple. C'est ce qu'on révélera dans le documentaire Cellule de crise, comment la Russie a espionné des boîtes mails de militaires français. Ça coûte moins cher que d'envoyer des agents secrets partout dans le monde sous couverture, de leur payer une légende, etc. C'est plus pratique, c'est plus rapide et c'est moins cher. Alors évidemment, je prends la balle au bon avec, après ce que vous m'avez dit, comment les militaires français ont été attaqués par les cyberrusses, et bien comment? Alors, en fait... Sans trop dévoiler, évidemment, et déflorer l'intérêt du documentaire qui passe en janvier quand même. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour l'instant? Ce qu'on peut raconter, en fait, c'est que aujourd'hui, toutes les armées surveillent leur réseau. Il y a des groupes de surveillance qui épient H24 les réseaux. C'est très technique, mais en bref, on s'est aperçu que un mode opératoire, un groupe d'attaquants, avait infiltré les réseaux français parce que on a reconnu des adresses IP, des noms de serveurs qu'on connaît pour appartenir. Les adresses IP, c'est la carte d'identité de votre ordinateur. Exactement. Je le rappelle. Hein, parce exactement, que c'est comme un numéro de série ou c'est quelque chose qui nous identifie. Et on a découvert des adresses IP que par le passé on connaissait, qu'on avait déjà attribué à un groupe russe qui s'appelle Turla. Et donc on s'est rendu compte à ce moment-là que potentiellement la Russie nous espionnait. Est-ce qu'il y a des éléments en commun à tous ces pirates, à la fois dans leur objectif et dans leur formation? Où est-ce qu'ils sont différents? Ça dépend des pays, ça dépend des objectifs. Alors, ça dépend, mais les hackers parfois agissent par opportunisme, donc ils peuvent très bien un jour servir les intérêts d'un État et un jour juste servir leur propre intérêt et se faire de l'argent. Les Russes, on a dit, sont pas plus doués que les autres. Mais est-ce qu'il y a des pays plus laxistes et tolérants que d'autres avec les cybercriminels? Là, je dirais la Russie, vraiment. Encore. Ouais. C'est une politique. Hein. C'est ce que je vous disais juste quelques minutes auparavant, c'est que il y a un espèce de contrat tacite. Et d'ailleurs, Poutine l'a dit dans une interview quand on lui a posé la question. Alors, est-ce que vous employez des pirates informatiques pour vos services? Il a dit les pirates, les hackers sont comme des artistes. C'est des gens libres. Donc, si le matin ils se lèvent et qu'ils voient des choses sur la scène internationale et qu'ils ont envie d'y prendre part et de contribuer à la politique de la nation, eh bien, qu'ils le fassent. Donc c'était un aveu à demi-mot. Ah bah oui, je ne sais pas si vous avez vu le Bureau des légendes, oui. La série. Je crois qu'on nous dit qu'en Russie, il y a des hackers, il y a une université d'État. Oui, alors en Russie, il y a des très bonnes formations. C'est pour ça que souvent, et d'ailleurs on le voit dans le Bureau des légendes, on les repère parce qu'il y a vraiment des bonnes formations. Après, il y en a aussi en Chine. C'est pas forcément les mêmes. Les Chinois, ils sont très forts pour l'espionnage et le vol de données à des fins commerciales, pour voler des secrets commerciaux et secrets industriels. Voilà. Et les Américains, eux? Qui se plaignent en disant oh là, les méchants russes, mais que font-ils eux? Alors les Américains, ils sont pas tout blancs dans l'histoire. Bah tiens donc. Il y a un exemple qui est assez révélateur. Il y a quelques années, la NSA, donc l'agence de renseignement américaine, a trouvé des failles sur Windows. Et au lieu de les donner à Windows pour qu'il répare ça, elle les a conservées bien précieusement, ces failles, pour pouvoir s'en servir pour de futures attaques informatiques. C'est ce qu'on appelle les grandes oreilles de la NSA. Exactement. Il y a même des chercheurs aussi qui sont chargés de travailler pour trouver des failles dans les systèmes informatiques. Donc ils ont trouvé ces failles, ils les ont conservées précieusement. Sauf que ils se sont fait voler ces failles par un sombre groupe de hackers qui s'appelle les Shadow Brokers. Et ces hackers ont vendu ces failles informatiques sur le dark web, donc dans les réseaux les plus secrets d'Internet. Et c'est comme ça que, et on le raconte aussi dans le documentaire, il y a eu une gigantesque attaque informatique qui s'appelle NotPetya en juin 2017, qui a été possible grâce à cette faille découverte par la NSA. Donc c'est à qui... C'est l'arroseur arrosé, en fait. C'est oui, qui croyait prendre été pris, quoi. Exactement. Mais écoutez, bienvenue dans la jungle. On va s'y retrouver dans 3 minutes. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais liquer le profil, je me fais bloquer le code PIN, je me fais vibrer le sans-fil, je me fais bugger la machine, je me fais exporter le point com, je me fais démonter le bureau, je me fais appuyer la touche pomme, je me fais exploser le réseau, je me fais câliner la souris, je me fais ajouter un signet, je me fais charger la batterie, je me fais ronger les onglets, je me fais allonger l'historique, je me fais loller le partage, je me fais buzzer la nice pic, je me fais rafraîchir la page. Je me fais télécharger l'icône, je me fais compresser le fichier, je me fais encoder la zone, je me fais ouvrir le dossier, je me fais vider la corbeille, je me fais graver le sous-texte, je me fais cliquer la mise en veille, je me fais agrandir le texte, je me fais pixeliser la chose, je me fais recadrer le zinzin, je me fais googliser la la dose. Je me fais photoshopper le machin. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je tweete. Tout simplement. Claire Tesson, on se retrouve pour explorer la jungle du numérique avec les hackers, les pirates du numérique. On a vu que la Russie s'en était fait une spécialité, que les Américains n'ont rien à dire finalement, que les Chinois se servent des cyberattaques pour trouver des secrets industriels. On va dire ça comme ça, c'est vrai que la Chine est totalement, elle a le regard totalement tourné vers son développement économique, donc c'est pas a priori très étonnant. Et la France ? Alors, il n'y a pas de pirates, nous, on est blancs comme neige. Non, la France également, elle joue un rôle dans ce cyberespace. De défense, vous l'avez dit tout à l'heure, mais l'attaque. Pas uniquement de défense. En fait, il y a eu un changement de paradigme, on va dire, en janvier 2019. La ministre des Armées, Florence Parly, a prononcé un discours dans lequel elle a dit clairement, nous disons à nos ennemis que nous avons l'arme informatique, que nous n'avons pas peur de l'utiliser et que nous n'aurons pas peur de l'utiliser. Donc là, c'est très clair. Ça veut bien dire que en France, maintenant, on est doté d'une arme cyber et qu'elle pourra servir à l'avenir. Y a-t-il ce qu'on pourrait appeler des hackers éthiques ? Vous savez, un peu comme les corsaires qui, pour chasser les pirates, pas gratuitement, au service de roi, ils prenaient pas mal d'argent, y compris aux pirates d'ailleurs. Mais bref, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans la fiction avec Julie, c'est une hackeuse qui travaille pour les services secrets français. Donc c'est une hackeuse contre les hackers. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est chacun ses armes, mais est-ce qu'on peut les appeler des hackers éthiques ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les white hats comparés aux black hats, donc les hackers noirs contre les hackers blancs, donc c'est les hackers éthiques. En fait, historiquement, un hacker, c'est tout simplement un passionné d'informatique qui cherche à modifier ou à développer des programmes informatiques. Le créateur de Linux, qui est un système d'exploitation libre et gratuit, par exemple, lui, c'est un hacker à la base. Donc un hacker, ça ne veut pas dire forcément un méchant pirate. Un hacker, c'est quelqu'un qui est passionné d'informatique, qui a des compétences pour coder et pour transformer, modifier des programmes. Moi, j'en ai rencontré plusieurs pour mon documentaire. Il y a même au sein des services de l'État des chercheurs, des spécialistes de l'informatique qui sont finalement des hackers. Alors, on imagine, ne serait-ce que par réflexe, que tout ça se fait essentiellement sur le dark web. Je rappelle que si vous regardez un schéma du web en général, c'est comme un iceberg, hein, donc il y a la partie émergée et la partie immergée. Vous verrez que la partie émergée, celle du web classique que nous utilisons tous, est assez petite. Et la partie immergée est énorme, peut-être 10 fois plus grande. Donc est-ce que c'est dans le dark web que toutes ces choses se font ? Oui, c'est dans le dark web, mais c'est aussi tout simplement que sur Internet, sans parler du dark web, sur Internet, il y a beaucoup d'outils, de moyens pour s'anonymiser dans le cyberespace. Donc pour pas laisser de traces. Pour pas laisser de traces. C'est le but des hackers, ne pas être retrouvés. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure de l'adresse IP. Par exemple, il y a des moyens de cacher son adresse IP, d'anonymiser son adresse IP pour en fait tout simplement disparaître derrière son ordinateur. Il y a aussi des serveurs que les hackers peuvent utiliser, qui sont partout dans le monde, qui vont leur permettre de mettre une distance entre eux et la cible qu'ils attaquent. Ils vont utiliser une multitude de serveurs relais pour faire des rebonds à travers le monde entier pour éviter qu'on puisse remonter jusqu'à eux. Un peu comme les sociétés offshore, vous savez. Exactement, hein, tout à fait. C'est le même principe. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une compétition entre les hackers, ce qui rendrait le risque encore plus fort ? Est-ce qu'il y a ce genre de choses ? Moi, j'ai pas observé du tout ça. Non, pas du tout. D'accord. Alors, les services de contre-espionnage, ça leur donne beaucoup de travail. On peut dire qu'ils sont armés maintenant pour répondre aux cyberattaques, parce que souvenez-vous du 11 septembre, on a dit probablement à juste titre que le fait d'avoir abandonné l'espionnage classique et de s'être complètement tourné vers l'espionnage numérique avait-il l'une des causes du drame et de la surprise des États-Unis d'être attaqué sur leur sol? Est-ce que les services secrets, maintenant, sont armés pour lutter à armes égales contre les autres services secrets dans l'Amérique? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a plusieurs services de l'État. Faut différencier donc les cybersoldats du ministère des Armées, eux qui vont défendre toutes les infrastructures appartenant au ministère. Et puis, il y a aussi l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est sous l'autorité du Premier ministre. Là, c'est des experts qui sont un peu des cyberpompiers et qui vont intervenir au chevet des entreprises et des organismes français d'intérêt vitaux, EDF... la SNCF, quand elles sont touchées. Et alors là, nous, on a rencontré ces gens-là et ils nous disent, ce qu'on craint, en fait, c'est le cyber-ouragan. C'est que tout un pan de notre économie, tout un secteur soit touché, parce que certes, ils ont des experts, ils en ont de plus en plus, mais si une cyber-attaque attaque tout un secteur, ils n'ont pas les moyens humains, techniques, opérationnels pour aller sauver tout le monde. En France, par exemple, on est, j'imagine, potentiellement menacé sur des secteurs très sensibles. Je pense au nucléaire, parce qu'on est l'un des pays, peut-être même d'ailleurs, le pays le plus nucléarisé au monde, si on fait un rapport entre le nombre de centrales et le territoire, la surface du territoire. Il y a une surveillance particulière pour le nucléaire? Oui, les centrales nucléaires sont dans la catégorie OIV, donc c'est les organismes d'intérêt vitaux. Et donc ils sont obligés en fait de déclarer, dès qu'il y a des soucis informatiques, ils sont obligés de se déclarer à l'ANSSI, cette Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, tout de suite. C'est une obligation légale pour être tout de suite pris en charge. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ils doivent aussi respecter certaines règles d'hygiène informatique. Mais il n'y a pas que ce secteur qui est touché. Notamment, vous devez vous souvenir, il y a quelques semaines, la télévision, le groupe M6 a été touché. Il y a quelques années, on le raconte dans le documentaire, la chaîne TV5 Monde est tombée en écran noir. Et ça, c'est quand même symboliquement, c'est très fort de se dire que quelqu'un peut faire tomber une télé, un écran noir. Ça peut provoquer une panique extraordinaire. Je note en même temps... C'est une belle idée de sujet pour une affaire sensible du lundi au jeudi, cette cyberattaque sur M6. Je connais par cœur, je peux vous la faire. C'est vrai? Vous viendrez? Bon, parmi les points sensibles et névralgiques d'un pays comme la France, il y a ces hôpitaux, on a parlé des centrales nucléaires, il y a ces hôpitaux également, frappés par une cyberattaque massive. Le CHU de Rouen a été forcé de tourner sans ordinateur. C'est un centre hospitalier qui compte près de 2500 lits d'accueil. Il se remet progressivement de la paralysie informatique provoquée par un virus de type rançongiciel. Ça veut dire quoi, rançongiciel? On comprend ce que ça veut dire. C'est un virus de demande de rançon. Donc là, c'est dans le domaine de la cybercriminalité pour faire de l'argent. Ouais. Il s'agit en fait de crypter les données d'un ordinateur et en échange de dire, voilà, si vous payez tant, souvent c'est en crypto-monnaie, donc en bitcoins, on vous rend vos données. Les spécialistes et les experts conseillent de ne pas payer parce que bien souvent, on ne retrouve jamais ces données. Merci Claire Tesson. Donc je rappelle que votre film documentaire sera diffusé sur France 2 au mois de en début janvier 2020 probablement. Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, La nuit, tous les hackers sont gris. Une fiction écrite par Vincent Hazard, réalisée par Baptiste Guitton. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Annie Auro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin et Johanna Gabric. Shattered in history, shattered in shining.